Oh, c'est en solde, c'est des trucs simples, hein, je veux dire, ça va pas péter loin. Hein. Solde, ré, la, mi, maximum. T'as quatre accords qui se battent en duel. We'll be right back. connais la manie. C'est quoi Second Life? Non, je sais pas ce que c'est. Non, alors là, je connais pas aucun jeu, moi. When this world got me feeling low, I don't need nowhere else to go. Goodbye. Je connais pas. I'm the 20th of the city of New Orleans. five on the nine way today's down. Go to sleep. Salut tout le monde et à plus. Salut Titi. Eh, je suis debout à 6 heures demain, moi. Après, j'ai les yeux en trou de machin.